Audiomatique. Transmission 456 d'Audiomatique s'ouvrait sur une pièce instrumentale des Beastie Boys, à savoir Shambhala, qu'on peut retrouver notamment sur l'anthologie The In Sound From Way Out, parue en 1995. Cette compilation regroupe uniquement des compositions instrumentales publiées sur différents albums des Beastie Boys, et celle que nous avons écoutée apparaît sur l'album Ill Communication. Et maintenant, c'est au tour du groupe de Legendary Pink Dots d'assurer la continuité à Audiomatique. Breathe and underestimate the shock. of 1969, I witnessed with my roving eye a simulation so precise. Thought that I was her again. Thank you. Audiomatique, c'était le duo américain Shana Falana, de qui on entendait la chanson Come On Over, extraite de son troisième album Darkest Light, paru en 2019. Précédemment à Shana Falana, et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, était le groupe The Legendary Pink Dots. De son plus récent album The Museum of Human Happiness, lancé en 2022, nous avons entendu la chanson The Girl Who Got There First. Et poursuivons maintenant cette transmission avec la formation Broadcast.

Audiomatique, nous venons d'écouter le projet Eye Awake et sa pièce Leaving the Known tirée de son album The Core, paru en 2008. Avant Eye Awake, c'était la formation de Future Sound of London, de qui nous écoutions la pièce Gyrated, apparaissant sur l'album From the Archives Volume 6. Et pour débuter la séquence musicale, c'était la formation Broadcast et sa pièce intitulée Low Cost. À l'origine, cette composition est parue sur le EP Come On Let's Go, sorti en 2000, et peut également se retrouver sur l'anthologie de Future Crayon, qui regroupe des B-sides et autres raretés publiées par Broadcast entre 1998 et 2003. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec la formation norvégienne Yaga Yassist. Thank you. Avions droit à Audiomatic au groupe norvégien Yaga Yassist de son album Starfire sorti en 2015. Nous vous avons présenté la pièce Big City Music. Pour conclure cette transmission d'Audiomatic, nous écouterons la pièce As Evening Fades, originalement composée par Control Bleeding et ici remixée par le projet Meatleg. Cette version remixée se retrouve sur l'album Carving Songs, alors que la version originale de As Evening Fades se retrouve sur l'album Larva Lumps and Baby Bumps. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer la formation Control Bleeding et sa pièce As Evening Fades remixée par le projet Meatleg. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you. Thank you.